بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Donc nous continuons le cours sur les paroles de l'imam Malik rahimahullah qui concerne l'aqidah wa sunnah dans le domaine de la croyance des musulmans et de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous étions arrivés, c'est la 22e parole qu'on lit de lui. قال رحمه الله والإيمان قول وعمل ولا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. Donc ça, ce sont les paroles de l'imam Malik qui résume tout le sujet de ce qu'on appelle l'Iman. Et il a tout dit en disant ça. L'imam Malik a dit رحمه الله والإيمان, la foi, est قول وعمل. Donc قول, c'est le fait de parler, des paroles, وعمل, le fait d'agir. Donc ça signifie que la foi consiste à parler et à agir. Donc ça veut dire que c'est pas simplement parler. Croire. Non, même croire, tout simplement. Parce que pour beaucoup de gens, malheureusement, ils pensent que la foi, c'est croire. Il n'a même pas parlé de croire. Il a dit la foi, c'est qaul et wa amal. Ça, c'est une expression qui revient énormément chez les anciens. Salafus Salih, comme l'imam Malik, ceux qui étaient avant lui et ceux qui sont venus après lui. C'est une parole qui revient très souvent. Al-Iman, qawlun wa amal. C'est pour ça que je m'arrête dessus deux minutes et je vous explique qu'est-ce que ça signifie. En fait, dans la définition de la foi, la parole la plus courte qu'on trouve, c'est celle-ci. Al-Iman, qawlun wa amal. Il définit la foi par deux choses. Qawl wa amal. Les paroles et les actes. Mais que veulent dire ces paroles et que veulent dire ces actes? En fait, par le qawl, ils veulent dire par là qawlul qalb wa qawlul lisan, c'est-à-dire les paroles du cœur et les paroles de la langue. Et même quand ils disent ça, qu'est-ce qu'ils entendent par là? La parole du cœur, c'est ce qu'on appelle at-tasdiq, c'est croire en son cœur. Par exemple, dans mon cœur, je reconnais Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour du jugement dernier, le destin. Donc ça, ils appellent ça, cette partie de la croyance, qui est le pur fait de croire simplement, ils appellent ça « qawlul qalb », la parole du cœur. Et « qawlul lisan », la parole de la langue, ce qu'ils appellent la parole de la langue, c'est « shahadatan », c'est-à-dire l'attestation de foi, par laquelle on entre dans l'islam. Donc, si vous voulez, dans la première partie, quand ils disent « al-iman qawlun wa amal », « qawl », ça englobe donc la croyance et « al-shahada ». C'est ça « qawl ». Et pour montrer que ça ne suffit pas pour être musulman, ils rajoutent derrière « wa amal ». Ou pour être mu'min plutôt, ils rajoutent derrière « wa amal ». Et donc qu'est-ce qu'ils entendent par « amal » ?« Amal » c'est les actes, l'agissement. Mais ils entendent par là « amalul qalb wal lisan wal jawarih ». Les œuvres du cœur, de la langue et des membres du corps. Donc qu'est-ce qu'on appelle les actes du cœur, à votre avis? Donnez-moi un exemple d'acte du cœur. Taouba, ouais. Taouba. C'est-à-dire quand dans mon cœur, je prends la ferme décision de ne plus réitérer tel péché. Et je regrette. Là, ça se passe dans mon cœur. C'est une action. On appelle ça une action du cœur. La crainte d'Allah, le khawf, ils appellent ça une action du cœur. Donc le cœur, il a énormément d'actions. Il craint Allah, il place sa confiance en Allah, il place son espoir en Allah, il aime Allah. Ça, ce sont ce qu'on appelle les actions du cœur. Les actions de la langue, c'est-à-dire de la bouche, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout ce qui est autre que l'attestation de foi, comme réciter le Coran, faire du zikr, faire du'a, parler, adresser une bonne parole à quelqu'un. Tout ça, c'est ce qu'on appelle « amalul lisan ». Donc, il le différencie du qawl, en fait, des paroles. Ça, ils appellent ça les œuvres, mais les œuvres de la bouche, entre guillemets. Et puis, enfin, les œuvres du corps, des membres du corps, ça, c'est facile. C'est comme la salat, le jeûne, le hajj, la zakat, etc., etc. Donc, on voit que l'imam Malik, il définit l'iman, la foi, comme étant tout cela. C'est pas seulement croire, c'est pas seulement dire « Ashhadu an la ilaha illallah » ou « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». C'est tout ce qu'il y a derrière aussi, ça fait partie de l'iman. Et ça, c'est une parole là, qu'on retrouve chez énormément de savants. Ensuite, il a dit une autre chose également qui est importante et qui était sujet du consensus des anciens, qui est « La imana illa bi amal, wa la amala illa bi iman ». C'est-à-dire qu'ils n'ont pas simplement dit « La foi se compose de paroles enfin de croyance, de parole et d'acte. Ils ont bien insisté en disant et il n'y a pas de foi sans acte. La iman et la bi'amal. Donc là, vous voyez bien que la conception islamique de la foi, elle n'a rien à voir avec la conception des autres mentalités ou des autres religions. Dans les autres religions ou les autres mentalités, la foi, c'est purement une croyance du cœur, même si elle n'implique rien derrière. Alors que dans l'islam, non. Carrément, l'imam Malik, il nous dit « La imana bila amal », ce qui est assez dangereux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de foi sans pratique. C'est-à-dire que si on imaginait, si c'était possible, quelqu'un qui croit dans son cœur, et même qui fait l'attestation de foi, et derrière, il ne fait rien du tout, aucune œuvre, eh bien, son iman n'est pas considéré comme le iman dans l'islam. Il croit, mais ce n'est pas l'iman. Iman, il doit être accompagné d'actes. Et il nous dit aussi, « Wala amala illa bi iman. » Et il n'y a pas d'œuvre sans iman. Comment on le comprend, ça? Il n'y a pas d'œuvre sans iman. C'est que si quelqu'un fait une œuvre, mais il n'a pas l'iman, et il fait une bonne œuvre, il obéit à ses parents, il donne à un pauvre, eh bien, ce n'est pas un amal qui compte auprès d'Allah. Il faut les deux. Il faut l'iman et l'amal. Et l'amal a une condition, c'est qu'elle soit précédée de l'iman. C'est pour ça qu'Allah nous dit dans le Coran, man amila salihan, celui qui fait une bonne œuvre, min zakarin aw unsa, qu'il soit un homme ou une femme, wa huwa mu'minun, et qui a la foi, qui est mu'min. Donc il faut que ce soit précédé de l'iman. Nous lui ferons vivre une bonne vie. Donc, que nous dit ici l'imam Malik pour résumer? C'est que la foi dans l'islam, la définition de la foi dans l'islam, c'est à la fois des paroles et des œuvres. C'est pas seulement une croyance. Et que sans œuvre, la foi n'est pas valable. Comme sans foi, les œuvres ne sont pas valables. وقال رحمه الله والإيمان يزيد وينقص وبعضهم أفضل من بعض قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فطمأنينة القلب زيادة في إيمانه. Ensuite il dit dans une autre parole الإيمان يزيد وينقص, la foi elle augmente et elle diminue. Là, on a les trois choses qui définissent la foi chez Ahlus Sunnah, dans l'islam orthodoxe. C'est l'iman qawlun wa amal, le fait que la foi englobe les actions et les œuvres, ça on l'a dit. La iman bila amal, le fait que sans œuvre, la foi ne compte pas, ça on l'a dit. Et un autre point dans la définition de la foi qui est important, qui est le fait que la foi augmente et diminue. C'est-à-dire que la foi, ce n'est pas un bloc. C'est quelque chose qui peut augmenter et qui peut diminuer. Comment est-ce qu'elle augmente? Elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue lorsqu'on commet des péchés. Donc l'imam Malik disait, rahimahullah, la foi augmente et diminue. Wa ba'duhum afdalu min ba'd. Ba'duhum, c'est-à-dire, et une partie de la foi est meilleure qu'une autre partie. Ça signifie que ce qui compose la foi n'est pas au même niveau. Il y a des choses qui sont mieux que d'autres. Par exemple, la salat obligatoire, c'est mieux que la salat surérogatoire, par exemple. Les œuvres du cœur, comme la crainte d'Allah, l'amour d'Allah, c'est plus grand et c'est meilleur que les œuvres du corps, etc. Ensuite, il a cité ce verset qui dit « Liyazdadu imanan ma'a imanihim » afin que « Liyazdadu imanan » qu'ils augmentent dans leur foi « ma'a imanihim » avec la foi qu'ils ont déjà. Donc c'est un verset où Allah nous montre que, en parlant des mu'minim, qu'ils ont l'iman, mais que leur foi va encore augmenter. Donc ça prouve bien que la foi, elle peut augmenter. Ensuite, il a cité le verset qui parle d'Ibrahim dans le Coran, quand il a dit, « Oh Allah, montre-moi comment tu fais revivre les morts. » Et Allah lui a dit, « Awalam tu'min » Donc vous entendez bien ici le verbe « tu'min » qui vient de l'iman. « N'as-tu pas la foi, tu'min ?» Il a répondu, si, walakin liyatma'inna qalbi. Si, mais pour que mon cœur s'apaise, soit serein. Donc l'imam Malik, il commente en disant, toma'ninatu qalbihi, cette sérénité du cœur, c'est une augmentation de la foi. Puisqu'il avait déjà la foi, mais il a demandé quelque chose en plus, qui est un autre degré, qui est liyakin, toma'nina. Donc, est-ce que ça veut dire qu'avant ça, il n'avait pas la foi? Il avait la foi. Donc, ça montre qu'il y a des degrés et que ça peut encore augmenter. Donc, Ibrahim, il a demandé en fait un degré encore plus haut que celui qui était le sien. وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْإِيمَانُ الْمَعْرِفَةُ وَالْإِقْرَارُ وَالْعَمَلُ. Dans une autre parole, l'imam Malik a dit, rahimahullah, l'iman, c'est al-ma'rifa, la connaissance, wal-iqrar, l'acceptation, wal-amal, et l'action. Donc là, il a détaillé un peu plus que dans lorsqu'on dit qawl wa amal. Qu'est-ce qu'on entend par al-ma'rifa quand on parle de la foi et qu'on dit la foi, c'est premièrement al-ma'rifa. En fait, il veut dire ici ma'rifatul khaliq, la connaissance du créateur, c'est-à-dire savoir que le créateur existe. Mais est-ce que ça suffit dans la foi? Derrière, qu'est-ce qu'il a dit? Wal-iqrar. Donc, l'iqrar en arabe, ça veut dire l'acceptation. C'est plus que simplement savoir. Parce que quelqu'un, il peut savoir ou avoir compris qu'il a un créateur, pour autant, il ne va pas accepter son message et il ne va pas accepter ses ordres. Donc, l'iqrar, c'est le fait ensuite. L'iqrar, c'est plus que croire. C'est croire et accepter. C'est-à-dire que quelqu'un, il va croire au message qu'Allah a révélé. Mais c'est pas simplement il y croit dans le sens où il croit que c'est vrai. Parce qu'encore une fois, quelqu'un il pourrait croire que c'est vrai, mais ne pas le suivre. Est-ce que ça c'est l'iman? Non. L'iman c'est de croire que c'est vrai et s'y plier. Donc ça, il y a un mot pour ça en arabe qu'on appelle al-iqrar. Aqarra, c'est-à-dire reconnaître quelque chose, accepter quelque chose. Et ensuite il a dit wal-amal, et les œuvres. Donc la foi c'est tout ça. Et on avait expliqué que, si vous vous souvenez, Al-Jahm ibn Safwan, c'était un homme qui était apparu à l'époque des Tabi'in, lui il disait Al-Imanu Al-Ma'rifa. Et tout le reste, il l'enlevait de la définition de la foi. C'est-à-dire qu'en philosophant, il disait que la foi, c'est simplement connaître le fait que tu as un Dieu. Si tu connais ça, tu es un mu'min. Même si en apparence tu renies, même si tu ne te plies pas à ses ordres et tout ça. Donc c'est ça, c'est ce mouvement-là quand il a surgi au sein de la communauté musulmane, c'est ça qui a appelé les savants musulmans à expliquer le sujet de la foi comme le fait ici l'imam Malik. C'est-à-dire que pourquoi dans le Coran on ne trouve pas une phrase qui dit Al-Iman qawlun wa amal? Dans le Coran on trouve plein de versets, du début du Coran jusqu'à la fin. Si tu lis bien et si tu comprends bien, tu comprends que la foi elle est faite d'actes. Et que sans les actes, une personne ne s'est pas soumise à Allah. Elle n'a pas la foi. Mais est-ce que c'est écrit tel quel, tout simplement, Al-Iman qawlun wa amal? Est-ce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Iman qawlun wa amal, ou yazidu wa yanqus, wa la imana bila amal? C'est-à-dire une définition, vraiment, comme l'imam Malik l'a fait ici. On ne le trouve pas. Est-ce qu'on trouve une parole de Abdullah ibn Abbas qui dit Al-Iman qawlun wa amal, yazidu wa yanqus, wa la imana? On ne trouve pas. Alors pourquoi? Pourquoi on trouve ça dans la troisième génération? Parce qu'à la base, c'était un sujet clair. Et les textes religieux à ce sujet, ils sont clairs. Donc, quand des gens sont apparus qui ont dit le contraire, eh bien, ça a appelé les savants de l'islam à dire ces phrases-là qui sont explicatives pour répondre à ces chemins tordus et à ce qu'on peut appeler ces hérésies, ces innovations religieuses. Donc, c'est comme, par exemple, quand vous lisez dans la génération de l'imam Malik et après lui, il disait beaucoup. Le Coran est la parole d'Allah et n'est pas créé. Quelqu'un il pourrait dire, mais pourquoi à chaque fois ils disent ça? Il n'y a pas, j'ai pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit le Coran est la parole d'Allah qui n'a pas été créé. Chez les tabi'in ou chez les sahaba, je ne trouve pas quelqu'un qui dit le Coran est la parole d'Allah qui n'a pas été créé. Pourtant, c'est vrai que si je réfléchis sur le Coran, c'est ça qui ressort. C'est que le Coran, c'est la parole d'Allah et que ce n'est pas une créature d'Allah. Alors pourquoi eux ils le disent comme ça, comme une théorie, comme une règle? Parce que sont apparus à leur époque des gens qui disaient le contraire, qui ont inventé le contraire. Donc voilà un peu si vous voulez, les propos que les savants tenaient dans la Aqida, comment ils naissaient. Et pourquoi parfois on trouve du détail dans la troisième ou la quatrième génération qu'on ne trouve pas avant. C'est parce qu'avant il n'y avait pas besoin de ce détail. Personne n'a dit le contraire. Donc les gens lisent le Coran et puis c'est tout. Mais quand des gens, en prétendant interpréter le Coran, on dit le contraire, et bien les savants ont répondu en disant ces règles tirées du Coran, bien sûr, et des hadiths et du consensus de la communauté pour contrer ces choses-là, ces théories-là. ثم قال رحمه الله وليس للإيمان منتهى وهو في زيادة أبدا. Il disait également La foi n'a pas de muntaha, c'est-à-dire n'a pas de point limite. Elle peut augmenter sans limite. Donc ça, c'est encore une fois pour insister sur le fait que la foi augmente. Ensuite, les paroles suivantes, vous allez voir, c'est toujours dans le sujet de l'Iman. Il dit « وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ أَنَا مُؤْمِنٌ وَلَكِنْ يَقُولُ أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَا يَقُولُ إِنَّهُ مُسْتَكْبِرُ الْإِيمَانِ وَأَنَّ إِيمَانَهُ كَإِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِكَائِيلَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ فَإِنَّهُ قَوْلُ الْمُرْجِئَةِ » Donc l'imam Malik disait « Personne ne doit dire « Je suis un mu'min » mais il doit dire « Je suis mu'min insha'Allah » Donc ça c'est une question, c'est vrai qu'à notre époque elle n'est pas très... ça nous concerne peu cette question-là. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un débat à l'époque quand les murji'a sont apparus et ils ont dit la foi, les actes ne font pas partie de la foi. Et eux, ils définissaient l'iman comme étant le simple fait de croire. Croire. C'est-à-dire, si tu crois au Coran, bah, c'est tout, t'es un mu'min. Si tu crois au prophète Mohammed, t'es un mu'min. Et pour eux, la foi, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est juste croire. Donc, le fait de croire, c'est-à-dire dire dans son cœur, c'est vrai, bah, ça n'augmente pas, ça ne diminue pas. Donc, eux, ils ont inventé non seulement que la foi, c'est simplement croire dans son cœur, et que donc, ça ne diminue pas et ça n'augmente pas. C'est pour ça que l'imam Malik, on vient de le lire, il disait la foi elle augmente et elle diminue. C'est pour répondre à ça. Et donc eux ils disaient, donc une personne à partir du moment où elle croit, elle est mu'min. Et elle peut dire je suis mu'min. Et elle peut dire que ma foi, elle est comme la foi de Jibril, ou de Mikaïl et des plus grands anges. Pourquoi ? Parce que la foi c'est juste croire. Donc oui, je crois comme eux ils croient. Donc en disant ça, ils ont dit une parole qui est un chanir, jiddan, qui est très grave, très grossière même. Donc l'imam Malik il disait, il ne faut pas dire je suis mu'min. Tu peux dire je suis muslim, mais pas mu'min. Pourquoi ? Parce que, une autre raison, est-ce que tu veux, ça veut dire que tu es kafir ? Non, bien sûr, tu sais que tu n'es pas kafir. Donc pourquoi tu n'as pas le droit de dire je suis mu'min ? Parce que la plupart du temps, quand on médite sur les versets du Coran et les hadiths, le mot mu'min, il est appliqué de la sorte que pour celui qui a atteint ce qu'on appelle el-iman ou el-kamil, la foi complète. Exemple, dans la sourate al-Hujurat. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Dans la sourate al-Hujurat, Allah dit les Bédouins, al-A'rab, al-A'rab ça veut dire les Bédouins. Les Bédouins ont dit Amanna. C'est-à-dire qu'il y a des tribus bédouines, ils venaient se convertir à Médine. Et certains d'entre eux ont dit Amanna. C'est-à-dire nous avons l'Iman. Et Allah leur a dit dis-leur, lam tu'minu. Vous n'avez pas l'Iman. Est-ce que ça veut dire que c'est des koufars ? Non. Ça veut dire que vous n'avez pas le vrai Iman. C'est ça que ça signifie. Comme on a vu, l'Iman, elle a des degrés. Et elle a un degré qui est ce qu'on appelle l'Iman ou le Kamil, le Iman qui est demandé pour rentrer au paradis directement. Ça, ce Iman-là, il a plusieurs noms. On peut l'appeler Iman al-Wajib, ou bien Haqiqatul Iman, ou bien Iman al-Mutlaq. C'est-à-dire, c'est ce qui est voulu dans le Coran quand on dit Al-Iman, ou dans les hadiths quand on lit Al-Mu'min. On ne parle pas du simple muslim. On parle du mu'min complet, celui qui a atteint ce stade de Iman. Donc, Allah dit, dis-leur, lam tu'minu. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont menti quand ils se sont convertis ? Non, ils avaient la foi, mais pas encore la foi, la vraie foi, parce qu'ils venaient tout juste de se convertir. Lam tu'minu, walakin qulu aslamna. Mais dites aslamna, c'est-à-dire nous sommes muslimoun. Oui, muslimoun, oui. Allah leur a accepté le terme muslimoun. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils ont cru en l'unicité d'Allah, ils ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont entrés dans l'islam, ils se sont engagés à faire la prière, à payer la zakat, donc aslamna. Mais amanna, non. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que dit le verset juste après ? Walakin qulu aslamna, walamma yatru, lamma ça veut dire pas encore. Walamma yatru lil imanu fi qulubikum. Et la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Quelle foi ici ? Est-ce que ça veut dire que leur cœur il était complètement dénué de foi ? J'attends votre réponse pour voir si vous me suivez. Bah non, sinon ça veut dire qu'ils ne seraient pas musulmans. Mais ça veut dire que leur foi qui est dans leur cœur, elle n'est pas encore, c'est pas la foi complète. qui leur donne, qui leur fait mériter le titre de mu'minin. Donc c'est pour ça que l'imam Malik disait, et beaucoup de salaf salih disaient, il ne faut pas dire je suis mu'min. Parce que quand tu dis je suis mu'min, on peut le comprendre de deux façons. Ça peut vouloir dire je suis musulman, je ne suis pas kafir, ça c'est vrai ou c'est faux? Ça c'est vrai. Mais ça peut vouloir dire, et généralement c'est ça le sens du mot mu'min dans le Coran et dans la Sunna, c'est-à-dire je suis un mu'min complet. Et ça, est-ce que quelqu'un il peut le dire? Non. C'est pour ça qu'il rajoute derrière Inch'Allah. C'est-à-dire si c'est dans le sens-là, bah, Inch'Allah. Et le premier sens, c'est sûr. Et donc il dit, dans une autre parole, il dit, quelqu'un ne doit pas dire qu'il a la foi complète et que sa foi est comme celle de Jibril, de Mikaïl et des anges proches d'Allah. Ceci est la parole des Murji'a. Donc on avait expliqué les Murji'a, qu'est-ce que ça signifie? Murji'a, ça vient du verbe Arja'a, qui veut dire Akhara. Comme dans le verset du Coran, quand les nobles de Pharaon disent Arjih wa Akhahu wa ba'ath fil madaini hashirin. Arjihu, c'est-à-dire donne-lui un délai. Quand Moussa a demandé un mawaïd, il a dit Arjih, c'est-à-dire repousse-le à plus tard. Donc Arja'a, ça veut dire Akhara, repousser. Alors pourquoi les Murji'a, on les a appelés Murji'a? Parce qu'ils ont dit que la foi n'est pas composée des actes. Les actes ne font pas partie de la foi. Donc Akharu al-amal anil iman. Arja'u al-amal anil iman. C'est-à-dire ils ont fait sortir, ils ont mis à l'écart Arja'u les actes par rapport à la foi. Donc elle les a appelés Murji'a. C'est sûr que le mot Murji'a comme ça tout seul, il ne te fait pas comprendre quelle est leur thèse. Jusqu'à ce qu'on t'explique que ça vient de Arja'a. Pourquoi Arja'a? Parce qu'ils ont exclu les œuvres de la foi. Une question, ils se basent sur quoi les mouvements qui apparaissent? Ils se basent sur les textes ou... Sur par exemple les Murji'a? Oui, par exemple. Bah, en fait, la plupart de ces mouvements, ils se basaient d'abord sur leurs idées, et après ils essaient de trouver dans le Coran ce qui peut cautionner leurs idées. Donc tu vas toujours trouver une partie des textes qui va en leur faveur. Exemple, je vous donne un exemple simple. Le hadith où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna. La piété c'est ici, la piété c'est ici, la piété c'est ici. Si tu prends ce hadith tout seul, ça marche. La foi c'est dans le cœur. Oui, mais il n'a pas dit que ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un tas de choses. Donc en fait, tous ces mouvements-là, tu vas trouver que certains versets et certains hadiths, en apparence, ça peut marcher. Mais ils vont être obligés de rejeter d'autres versets et d'autres hadiths. Alors que quand tu regardes la Aqidah d'Al-Sunnah, comme celle de l'imam Malik, bah tu vas voir que tous les versets, ça marche. Tous les hadiths, ça marche. Donc ils se basent tout d'abord sur... Enfin, ils se basaient, parce que c'est des anciens mouvements, ça, c'était il y a 1000 ans ou plus. Ils se sont basés d'abord sur leur philosophie, on va dire. Et après, ils essayent de trouver dans les textes ce qui correspond à leur philosophie. En fait, le gros reproche qui leur est fait, et le gros point de départ qui a fait qu'ils se sont perdus, c'est qu'ils n'ont pas suivi Al-Jama'a. Al-Jama'a, c'est-à-dire les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'in, et ceux qui les ont suivis, comme par exemple l'imam Malik. Eux, ils ont toujours dit quelque chose, bah, il fallait dire comme eux, et puis c'est tout, tout simplement. C'est quand ils ont essayé d'inventer des nouvelles théories qu'ils ont fait de nouveaux mouvements. وقال رحمه الله وإني لأذكر بقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى البيت المقدس ما قالت المرجئة إن الصلاة ليس من الإيمان وقد سماها الله الإيمان. Donc ici il dit, là où donc aujourd'hui ça va beaucoup parler de l'Iman. Il dit, je vous rappelle le verset qui dit Allah n'est pas à même de vous gâcher votre foi. De quoi ça parle ce verset? Le verset dans Surat al-Baqarah. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. L'imam Malik il dit, c'est-à-dire votre prière en direction de Beitul Maqdis, de Jérusalem. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire ce verset? C'est que, donc si vous prenez le troisième hizb de Surat al-Baqarah, à partir de سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, ça parle du changement de la Qibla. Puisqu'on sait que dans un premier temps, pendant la période mécoise, et pendant le début de la période médinoise, les musulmans ils priaient vers Beitul Maqdis, pas vers Mecca. Donc quand ils étaient à Médine, eh bien, ils se tournaient vers Beitul Maqdis au lieu de se tourner vers Mecca. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il souhaitait, il ne l'avait pas demandé à Allah, mais il souhaitait dans son cœur que Mecca devienne la Qibla, et Allah l'a exaucé, et il a changé la Qibla. Et il a révélé des versets à ce sujet, donc dans la sourate Al-Baqarah. Et dans ces versets, on voit qu'Allah dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. C'est-à-dire, Allah n'est pas à même de vous gâcher votre foi. Et de quoi il parle ce verset? Il parle de la salat. Parce que certains sahaba, ils se sont dit, nos frères qui sont morts avant le changement de la Qibla, et pendant toute leur vie, ils ont prié vers Jérusalem. Est-ce que leur prière, elle est quand même valable ou pas? Et donc là, Allah a révélé, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah n'est pas à même de vous gâcher votre, de vous faire perdre votre foi. Donc là, le mot foi, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire la salat. Donc l'imam Malik, il nous rappelle ce verset. Et il dit, Allah a nommé la salat iman. Pourtant, la salat, qu'est-ce que c'est? C'est une action. C'est une action et c'est des paroles. Donc ça, ça prouve que l'iman, c'est notamment les actions et les paroles. Donc il dit, ce que les murji'a disent quand ils disent que la salat ne fait pas partie de la foi, c'est faux, puisqu'Allah l'a nommé iman. Allah a appelé la salat iman. وقال رحمه الله والمرجئة أخطأوا وقالوا قولا عظيما قالوا إن أحرق الكعبة أو صنع كل شيء فهو مسلم وقول فيهم ما قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. كلام غليظ جدا ضد المرجئة. الإمام مالك الديسي رحمه الله. Les murji'a se sont trompés et ont dit quelque chose d'énorme. Qawlan azima. C'est-à-dire, ils ont dit quelque chose de très grave, une énormité. Ils ont dit, quelle est cette énormité à laquelle il fait allusion? Ils ont dit, si quelqu'un brûle la Kaaba ou fait quoi que ce soit, il reste musulman. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que les murji'a, ils disent que si quelqu'un il dit, Ashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, derrière, quels que soient les actes qu'il peut faire, il reste musulman. Tant qu'il ne dit pas, je ne suis plus musulman. Eh bien, l'imam Malik, il dit ça, c'est la parole des murji'a, et c'est qawlun azim, c'est une énormité de dire ça. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, l'imam Malik? C'est que, quand quelqu'un dit, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, et il entre dans l'islam, après, il y a des paroles qu'il va dire, ou des actes qu'il peut faire, qui peuvent le faire sortir de l'islam. N'est-ce pas qu'Allah nous dit dans le Coran tout simplement لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَافًا. On mécru ceux qui ont dit Allah est le troisième de trois. Donc ils ont mécru par quoi? قَالُوا, par une parole. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا, ceux qui ont dit que Allah est le troisième de trois. Donc il y a certaines paroles et certains actes qui peuvent exclure quelqu'un de l'islam. Donc si quelqu'un il brûle la Kaaba, il n'y a aucun doute, il peut dire ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, il peut prier, il peut faire tout ce qu'il veut, il n'y a aucun doute que ça le fait sortir de l'islam. Comme quelqu'un qui humilierait par exemple, rabaisserait le mushaf, le Qur'an, ou qui insulte Allah, ou qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou se moque de la religion. Ça c'est des choses sur lesquelles les savants dans les quatre écoles, ils sont unanimes à ce sujet. Il n'y a pas de divergence sur ça. Alors que les murji'a, comme pour eux, la foi, c'est juste dire j'y crois, eh ben, tant qu'il y croit, c'est bon. Il peut faire tout ce qu'il fait derrière, et ça reste un musulman. Donc l'imam Malik dit, ça c'est la parole des murji'a, et c'est quelque chose de grave. Et ensuite il a dit, mon jugement à leur sujet, c'est ce qu'Allah a dit. S'ils se repentent, accomplissent la salat et payent la zakat, fa ikhwanukum fid din, alors ils seront vos frères dans la religion, en parlant des murji'a. C'est dur de la part de l'imam Malik, son jugement il était extrêmement dur vis-à-vis d'eux. En gros, il dit fa in tabu, s'ils se repentent de ce qu'ils ont dit, fa ikhwanukum fid din. On en comprend que sinon, ils sont kharij al-jama'a, ils sont sortis de la religion. Excuse-moi, mais quoi, ils les considèrent comme des kuffars? C'est ce qui ressort de cette parole. C'est ce qui ressort de cette parole. Ouais. C'est ce qui ressort de cette parole. Je ne peux pas te faire de détails plus que ça. C'est-à-dire, ce qui est connu, c'est que le Murji'a, ça fait partie de Ahlul Bida'a. Ce n'est pas des koufars, mais parfois, il peut avoir des paroles chez eux. Celui qui les dit, na'am, yakhruj min al-islam. Notamment dans ce sujet-là. C'est-à-dire, dire que quelqu'un, Bah, il humilie le Coran, ou il brûle la Kaaba, il insulte le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est musulman, ça, le fait de dire ça, ça peut t'exclure de l'islam. وقال رحمه الله ولا نكفر أهل التوحيد بذنب. Une autre règle qu'a dit l'imam Malik, la nukaffiru, on ne fait pas le takfir des gens du tawhid, c'est-à-dire des musulmans, bizanbin, à cause d'un péché. Ça c'est l'opposé. C'est-à-dire il y a l'irja, et l'autre opposé, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de taxer les gens de mécréance pour des péchés. Donc là, il a bien dit bizanbin, pour un péché. C'est-à-dire que les péchés, qui sont les simples, entre guillemets, péchés, comme mentir, désobéir à ses parents, nuire à ses voisins, commettre la fornication, voler, ça n'exclut pas un individu de l'islam. Et ceux qui excluaient les gens de l'islam pour ces choses-là, c'était l'opposé des murji'a, c'est ceux qu'on appelait al-khawarij. Khawarij, ceux qui se sont révoltés contre eux, contre Ali ibn Abi Talib. Donc ils ont constitué un groupe, ce groupe ensuite il a évolué, et il s'est bien démarqué des musulmans avec ses propres croyances et ses propres théories. Et parmi leurs croyances et leurs théories, il y a le fait de dire que celui qui commet un grand péché, il sort de l'islam. Ça, c'est l'opposé des murji'a. C'est-à-dire, les murji'a, tu restes toujours musulman. Eux, c'est le contraire. Ils sortent de l'islam pour un péché. Donc là, on dit bien bizan bin, pour un péché. On ne parle pas de brûler la Kaaba, de se moquer du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'insulter Allah. Là, on n'est plus dans le péché. Là, on est dans le shirk, on est dans le kufr. Là, on parle de, comme Allah dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, mais il pardonne ce qui est en dessous de ça. C'est quoi qui est en dessous de ça? La fornication, le mensonge, le vol, etc. Riba, ça ce sont des péchés. Celui qui les commet, eh bien il est sous la menace d'Allah. Mais si Allah le veut, il peut lui pardonner. Et dans tous les cas, il reste musulman. Donc ça c'est une règle, c'est-à-dire qu'on ne taxe pas quelqu'un de kafir parce qu'il commet un péché. Et ça on le trouve même chez le commun des musulmans, parfois qui eux-mêmes ne sont pas trop pratiquants ou qui sont un peu loin de l'islam, on le trouve ça. Par exemple, ils connaissent quelqu'un qui boit de l'alcool, ils disent « Ah, là, mais chez musulman, il boit. » Pourquoi boire, ça fait que toi que tu n'es pas musulman? Non, ça c'est une erreur. Parfois il y a des gens qui ont des idées reçues comme ça. Et quand ils connaissent quelqu'un qui fait un péché, c'est une grave erreur de dire ça. Tu peux dire Adam Hashim Muslim, quelqu'un comme on dit, il s'aime Allah. Même ça, tu peux dire. Il se moque de la religion, etc. Là, tu peux dire. Mais quelqu'un qui commet un péché parmi les péchés, tu peux pas dire Hashim Muslim. Ça ne l'exclut pas de l'islam. وقال رحمه الله Ah, c'est celle-là dont je vous avais dit, elle est encore plus choquante que celle qu'on a vue la semaine dernière. قال رحمه الله ولو أن العبد ارتكب الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئا. Il dit l'imam Malik, si quelqu'un commet les grands péchés, mais ne fait pas de shirk. Mais attention, quand il dit ne fais pas de shirk, ça englobe tout le shirk. Le shirk, ça peut être le shirk majeur, comme invoquer autre qu'Allah, se prosterner pour autre qu'Allah, mais c'est pas seulement ça le shirk. Le shirk, ça peut être aussi la superstition, ça peut être aussi porter une amulette, autre que le Coran. Ça peut être aussi croire en des mauvais signes et des bons signes, la superstition. Ça peut être aussi l'ostentation, c'est-à-dire j'embellis ma prière parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Tout ça c'est le shirk. Donc le shirk c'est pas seulement se prosterner devant un objet ou devant une statue. Attention, quand il dit la yushriku billahi shay'an, faut pas se dire bah c'est bon moi j'en suis à l'abri. Le shirk il y a beaucoup de catégories. Donc il dit si quelqu'un commet les grands péchés mais ne commet pas de shirk. Thumma naja min hadhihi al-ahwa'i wal-bida'i wa at-tanawuli li ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. أرجو أن يكون في أعلى درجات الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Il a dit si quelqu'un commet les grands péchés et il n'associe rien à Allah, j'espère qu'il sera au plus haut degré. Donc il a dit il n'associe rien à Allah et il est sauvé de toutes ces ahwa wal bid'a. C'est-à-dire il est épargné, il est sauvé des ahwa, Qu'est-ce qu'on appelle Al-Ahwa? Ben, c'est tout ce dont on parle depuis le début, Al-Murji'a, Al-Khawarij. Les anciens, ils appelaient ça Al-Ahwa, le pluriel de Hawa, les passions. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui, au lieu de suivre le Haq, ils ont suivi leur Hawa, leur passion, leur tendance. Donc il dit, si quelqu'un commet des grands péchés, mais n'associe rien à Allah, et échappe à toutes ses tendances et à toutes ses hérésies, et il a rajouté un autre point, et il échappe au fait de s'en prendre au messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que il ne parle pas en mal des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, ni de Ali, ni de Muawiya, ni de Amr ibn al-As, de personne. Il ne parle pas en mal d'eux. Il dit, s'il échappe à tout ça, j'espère qu'il sera au plus haut degré du Firdaus, avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Wa hasuna ulaika rafiqa. Et quelle bonne compagnie que ces gens-là. Pourtant, il a dit au début, celui qui commet les grands péchés. Donc comment est-ce qu'on comprend ça? C'est ce que ça veut dire, c'est la fête. Quelqu'un il peut commettre les grands péchés et puis il espère aller au paradis. Il sera. En fait, il faut comprendre que la plupart des innovations qui étaient à l'époque de l'imam Malik, la plupart, elles ne sont pas simplement des innovations qui te font sortir de la sunna. Il y en a beaucoup, c'est des innovations qui te font carrément sortir de l'islam. Insulter Abu Bakr et Omar, ça, c'est pas sortir de la sunna. C'est sortir de l'islam. Accuser Aïcha, radiallahu anha, c'est pas sortir de la sunna, c'est sortir de l'islam. Pourquoi? Parce que c'est le Coran qui les a défendus, ces gens-là. C'est le Coran qui a fait leurs éloges. Donc, venir les insulter, toi, c'est contredire le Coran. Et un musulman, il ne peut pas contredire le Coran. Dire qu'Allah ne savait pas ce qui allait être avant que ça se produise, ça, c'est contredire le Coran. Dire qu'Allah ignorait l'avenir, ça, c'est la bid'a des Qadariyah, dont on a parlé précédemment également. Ça, c'est contredire le Coran. Donc, leurs innovations, la plupart, elles faisaient carrément sortir les individus de l'islam, beaucoup d'entre elles. Donc c'est pour ça qu'on peut comprendre que l'imam Malik, il dit cette chose-là. C'est-à-dire que si quelqu'un ne commet pas de shirk et il échappe à toutes ces tendances-là, quoi qu'il fasse comme péché, ça reste un musulman. Et un musulman, on peut toujours espérer pour lui qu'il aille au paradis au plus haut degré. Soit parce qu'Allah va lui pardonner, ou soit parce que si Allah ne lui pardonne pas, il passera un temps en enfer, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Il sortira de l'enfer. Soit par l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou l'intercession des anges ou des hommes pieux, ou parce qu'Allah le fera sortir sans l'intercession de quiconque. C'est ainsi que les musulmans se divisent au jour du jugement. Certains ils vont entrer directement au paradis, et d'autres, à cause de leur péché, ils vont entrer en enfer. Et ensuite, ils sortiront grâce à, ou par le moyen plutôt, de l'intercession du prophète, des anges, des hommes vertueux, et après par l'intercession entre guillemets d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah lui-même sortira des gens sans l'intercession de qui que ce soit. Donc quand bien même il ferait des grands péchés, au moins on peut toujours espérer qu'il soit ainsi. Alors que quand il est dans les tendances, les innovations, il frôle le kufr. Il est toujours à la, soit il est dedans ou soit il est à la frontière de tomber dans le kufr. Je vais éteindre mon portable. Donc sa parole n'est pas terminée, il a dit, il a expliqué son propos. Wa dhalika anna kull kabiratin fi ma bayna al-'abd wa bayna Allah 'azza wa jalla fa huwa minhu 'ala raja. Il a dit, il en est ainsi car, c'est-à-dire pourquoi je dis cela, parce que tout grand péché qui est entre l'individu et son Seigneur, fa huwa minhu 'ala raja'in. C'est-à-dire il peut toujours garder espoir. En ce qui concerne les grands péchés, l'individu peut toujours avoir l'espoir qu'Allah va lui pardonner. Wa kullu hawan laysa minhum ala raja wa innama yahwi bi sahibihi fi nar jahannam. Il a dit alors que le hawa, les tendances là qui sortent de la sunna, il n'y a pas d'espoir à ce sujet. Ça condamne celui qui les adopte au feu de l'enfer. Man mata ala sunnati falyubshir, man mata ala sunnati falyubshir, man mata ala sunnati falyubshir. Il a terminé en disant, celui qui meurt dans la sunna, qu'il se réjouisse. Celui qui meurt dans la sunna, qu'il se réjouisse. Celui qui meurt dans la sunna, qu'il se réjouisse. C'est-à-dire que si quelqu'un y meurt, muwahhid, qu'il ne commettait pas de shirk. Et en plus, à la sunna, c'est-à-dire dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fallu pshir. C'est un très grand bon signe pour cette personne. Wa qala rahimahullah, wa la nashhadu li ahadin li salahihi annahu fi jannah. C'est une autre règle également dans la croyance de Ahl Sunna. Il dit, rahimahullah, nous ne témoignons pour personne parce qu'il est vertueux qu'il ira au paradis. C'est-à-dire que dans notre croyance, on ne peut pas dire de qui que ce soit, lui il va aller au paradis, sous prétexte qu'il était salih. Si ce n'est exception de qui? Ceux dont le Coran ou la Sunna nous ont dit qu'ils auront au paradis. On peut le dire. Donc par exemple, Abu Bakr, Omar ibn Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, c'est qui les six autres? Allez. Bilal? Non, là je parle des dix. Parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a cité dix compagnons et il a dit eux ils iront par là. Ils étaient vivants. Talha ibn Ubaidillah, Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Awf. Vous m'avez dit là, Talha, Zubayr, Rahman ibn Auf. Alors, le 8e, Sa'd ibn Abi Waqqas, on n'a pas dit, Sa'id ibn Zayd et Abu Ubaida ibn Jarrah. Ces 10-là, par exemple, on peut le dire, ils sont paradis. Bilal également, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a prédit qu'il ira au paradis. Sulaym, la mère de Anas ibn Malik, qui était une Ansariya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il a dit, Dakhaltu al-jannata fa'idha ana bir-rumaysa. C'est-à-dire, il a une vision, il a dit, je suis entré au paradis. Donc ça, forcément, c'est dans une vision. Pourquoi on dit, c'est pas réel? Parce que Rumaysa, à ce moment-là, elle était sur terre, elle n'était pas au paradis, donc ça veut dire que c'est un rêve. Il a dit, je suis entré au paradis et j'y ai vu Ar-Rumaysa. Ar-Rumaysa, c'était le surnom de Sulaym, qui s'appelait Sahla. Sulaym, la mère de Anas ibn Malik, qui a de nombreux... grand fait, c'est-à-dire de nombreux grands, a fait de grands actes dans l'islam. Et autres, il y a qui encore? Soumaïa, Al-Hassan al-Hussein, Khadija. Bah, on peut dire aussi les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la femme de Pharaon. Comment? Jariya, c'est qui nettoyait la mosquée? Al-Jariya Sauda, une femme noire qui nettoyait la mosquée. Celle qui a donné la poire au chien. Hamza? Ça c'est une histoire ancienne, on ne sait pas qui c'est. Hamza ibn Abi Talib et d'autres. Donc eux, dont la révélation nous a dit ils vont au paradis, on peut dire qu'ils vont au paradis. Sinon, qui que ce soit, on ne peut pas le dire. Certains, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a un avis sur ce sujet. Il dit, les personnes qui étaient, c'est-à-dire toute la communauté, elle est unanime à leur sujet, on peut dire qu'ils iront au paradis. Comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i, etc. Il dit parce que là, toute la communauté témoigne que ce sont des imams. Donc, eux, on peut le dire. Wallahu a'lam. Le mieux, c'est de s'en tenir, bien sûr, hein, à ce qui est sûr, à la règle de base. Wa qala rahimahullah. Wa al-Qur'anu kalamullahi azza wa jal. Wa huwa minhu wa laysa minallahi shay'un makhluq. Wa man qala al-Qur'anu makhluqun fa huwa kafirun billahi al-azim. Une autre parole de l'imam Malik, il disait, le Coran est la parole d'Allah. Wa huwa minhu, et il provient de lui. Or, une chose créée ne provient pas d'Allah, ne sort pas d'Allah. Et il veut dire par là que le Coran n'est pas une créature d'Allah. Ce n'est pas quelque chose qu'Allah a créé. C'est ce qu'il a dit. Et les paroles d'Allah, on ne peut pas les taxer de création, puisque c'est un de ses attributs. Et il dit donc, celui qui dit que le Coran est créé est un kafirun billahi al-azim. Ça, c'est une phrase qui revient chez tous les salafs salih qui ont parlé de ce sujet. Ils ont tous dit ça. Man qala al-Qur'anu makhluq fa huwa kafir. C'était une règle chez eux. Pourquoi ils disaient ça? Encore une fois, avant que ça existe, ils n'en ont pas parlé. Parce que c'était clair. Mais quand sont apparus les Mu'tazila qui ont commencé à dire que le Qur'an, en fait, c'est une création d'Allah, c'est pas ce qu'Allah a dit. Pourquoi ils ont dit c'est pas ce qu'Allah a dit? Parce qu'en philosophant, ils ont dit, Allah ne parle pas en fait. Parce que si on dit qu'Allah parle, ça implique ceci et cela et ceci et cela. Or, c'est impossible au sujet d'Allah, donc Allah ne parle pas. D'accord? Ben alors qu'en est-il du Coran qui nous dit وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. Ils disent, c'est une métaphore. Le fait de dire du Coran, c'est la parole d'Allah, c'est une métaphore. En fait, c'est pas sa parole. Et puis après, ils ont philosophé. C'est-à-dire, la philosophie appelle à la philosophie. Si on leur dit, alors c'est quoi le Coran? Ils disent, en fait, ce sont des sons qu'Allah a créés dans l'espace. C'est des sons. Allah, il a créé des sons qui disaient, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jibril, il a entendu ce son et Allah lui a ordonné de le transmettre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la parole des Mu'tazila, des Asha'ira, etc., etc. Ils se rejoignent tous pour dire que le Qur'an, ce qu'on lit dans le Qur'an, ce n'est pas la parole d'Allah. Donc quand ça s'est apparu, les imams de Al-Sunna, ils ont répondu en disant, ils ne se sont pas cassés la tête. « Man qala al-Qur'an ou makhluq, fahuwa kafir. » Ils l'ont jugé ainsi. Et si vous lisez la biographie de l'imam Ahmed, le quatrième des quatre imams, ben vous verrez la grande épreuve qu'il a subie à cause de ça. Il a subi la torture, il a subi l'emprisonnement, les coups de fouet, l'imam Ahmed. On croirait que l'imam Ahmed, il a toujours vécu sur un trône, parce que c'est l'imam Ahmed. Il a vécu en prison, il s'est fait torturer, etc. etc. Parce qu'il a résisté. Parce qu'à son époque, les Mu'tazilas sont passés au pouvoir. Ils ont imposé à tout le monde de dire Al-Qur'an ou Makhluq. Le Qur'an, c'est une créature d'Allah, c'est pas sa parole. Et lui, il a été le seul ou un des seuls à résister. Les autres qui ont voulu résister, ils sont morts. Et lui, il a été emprisonné, il a été battu, fouetté, etc. etc. jusqu'à ce qu'Allah ait amené un nouveau calife qui a annulé tout ça et qui a libéré l'imam Ahmed. Donc, ça, si vous voulez, ça nous concerne. Sans nous concerner. C'est-à-dire que ça, c'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours. Vous n'entendez pas tous les jours des prêcheurs qui vous disent le Coran, attention, c'est pas la parole d'Allah, c'est une créature. Alhamdulillah, maintenant c'est admis. Je veux dire, vous n'allez pas rencontrer des gens qui vous disent ça. Sauf si vraiment vous allez dans un cours de théologie de quelqu'un qui est dans cette mouvance-là, et là il vous dira effectivement que le Coran, en fait, c'est pas. En vrai, on va t'expliquer maintenant que c'est pas la parole d'Allah. C'est une créature d'Allah, etc. Bon, ça, Alhamdulillah, c'est quelque chose de rare. N'importe quel musulman, si vous lui dites le Coran, c'est pas la parole d'Allah, il va te dire, t'es fou toi ou quoi. Donc, alhamdoulilah, ça c'est quelque chose d'admis. Donc, voilà ce que disait l'imam Malik à ce sujet. وَمَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ يُسْتَتَابَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا دُرِبَتْ عُنُقُهُ. Donc là, bien sûr, on répète, comme la dernière fois, c'est que dans ce livre, dans les paroles de l'imam Malik, on trouve des paroles très, très dures et même carrément violentes. Pourquoi ? Déjà, on a expliqué la circonstance, c'est-à-dire l'époque. Tout le monde est dans l'islam normal, tout le monde est dans la sunna normale, et d'un coup, il y a des gens qui surgissent en disant des folies. Donc forcément, ils étaient très durs contre eux. Et deuxièmement, parce que l'imam Malik, là, quand il parle d'un contexte où il y a le gouverneur des musulmans, il y a dans chaque province, il y a l'émir qui représente le gouverneur des musulmans, ils appliquent la loi musulmane. Bref, on est dans les pays musulmans. Et il y a des sentences. Donc l'imam Malik, là, il parle de certaines sentences. Il ne veut pas dire que toi, si tu entends quelqu'un dire ça, tu l'attrapes et tu lui fais ce qu'on va lire ici. Donc là, il dit, l'imam Malik, celui qui dit le Qur'an est créé, yustatab, on lui demande de faire tawba. Ça veut dire quoi, yustatab? C'est toi et moi? Non, c'est le gouverneur, il le convoque et lui dit, repens-toi publiquement, tu dois revenir sur tes paroles. وَإِلْ فَإِنْتَابَ بِمَعْنَا فَإِنْتَابَ قُبِلَ مِنْهُ S'il se repent, on le laisse tranquille. وَإِلَّا بُرِبَتْ عُنُقُ Sinon, on le tue. Donc on le tue, est-ce que ça veut dire les citoyens, ils le lâchent? Non, ça veut dire le qadi, il lui applique la sentence. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme de l'apostasie. Donc vous voyez qu'à l'époque, il ne rigolait pas avec ces choses-là. À l'époque d'Ahmed, c'était le roi. C'était le contraire. À l'époque, c'était le contraire. Ouais. Alors, ah ben, ils ont dû patienter jusqu'à ce que ça passe. Ouais. Ouais, c'était le contraire à l'époque. C'est eux qui coupaient la tête de ceux qui disaient le Coran, c'est la parole d'Allah. وقال رحمه الله وأحاديث الصفات نمرها كما جاءت بلا كيف. Là, on parle encore d'un autre sujet. C'est le sujet des صفات, les attributs d'Allah. Quand on lit le Coran et quand on lit les hadiths, on voit que Allah s'est attribué des attributs. C'est-à-dire qu'il parle de lui-même avec certaines choses, soit des noms, soit des actes, comme quoi il a fait ceci, il a fait cela, ou comme quoi il est doté de tel et tel attribut, de telle et telle qualité. Comment on doit faire? Est-ce qu'on dit, ben, je ne peux pas comprendre ça comme ça, sinon ça veut dire qu'Allah c'est comme un être humain? Est-ce que je me dis, je le lis et puis je ne cherche pas à comprendre? Ou est-ce que je me dis, je le comprends tel quel, sachant qu'Allah n'est pas comme l'être humain? C'est-à-dire, je le comprends tel quel, c'est de l'arabe, c'est clair, ça veut dire ce que ça veut dire. Et de toute façon, Allah n'est pas comme l'être humain. Et je ne dois pas chercher à m'imaginer comment est Allah. C'est ainsi qu'il faut faire. Donc l'imam Malik, il nous a donné la solution, très simplement, il a dit, les hadiths qui parlent des sifat, des attributs divins, numirruha kama ja'at, on les fait passer comme ils sont venus. C'est-à-dire, tels qu'ils sont, on les fait passer comme ça, on les lit, on les comprend tels quels, de façon littéraliste. C'est-à-dire que le domaine de l'i'tiqad, de la croyance, il doit être lu avec une lecture littéraliste. C'est où qu'on peut mettre un peu moins de littéralisme, on avait expliqué. Où on peut faire entrer plein de raisonnements, de compréhension, tout ça. C'est dans le fiqh. Ouais, dans le fiqh, dans la compréhension des hadiths qui parlent du comportement, du fiqh. On voit que là, les quatre imams, ils ont fait marcher leur cerveau, essayer de comparer, de comprendre. Par contre, dans les textes qui parlent d'Allah, ils ont dit on les prend comme ça et on n'explique pas. On va voir des exemples après par l'imam Malik. Donc il dit, numirruha kama ja'at, on les fait passer comme ils sont venus. C'est-à-dire, comme le texte il est, on le prend et on y croit. Bila kaif. C'est-à-dire, on ne dit pas à propos d'Allah, kaifa, comment. On ne cherche pas à s'imaginer comment est Allah ou comment est tel ou tel de ses attributs. Wallahu fis samai wa ilmuhu fi kulli makan, la yakhlu min ilmihi makan. Qala Allah ta'ala. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. Donc il dit, ça c'est un autre point qui était important dans la croyance chez les anciens. Il dit Wallahu fi sama, Allah est au ciel. Donc est-ce que fi ici il veut dire à l'intérieur du ciel? Non, ça serait grave de dire qu'Allah il est à l'intérieur du ciel, puisque le ciel c'est une créature d'Allah. Mais tout simplement pour qu'on comprenne. Alors pourquoi on dit fis sama? Parce que as-sama en arabe, il ne veut pas dire forcément le ciel, la créature qui est le ciel. As-sama, il veut dire le ulou, la hauteur. Donc quand ils disent Allah fis sama, en fait, il veut dire Allah est au-dessus. Il ne veut pas dire qu'il est inclus dans le ciel. Azza wa jal, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il est au-dessus. Fis sama, ça veut dire fil ulou. Il est en haut. C'est ça que ça signifie. Wa ilmuhu fi kulli makan. Mais son savoir est partout. C'est-à-dire son savoir englobe tout. Il n'y a rien qui échappe au savoir d'Allah. La yakhlu min ilmihi makan. Aucun endroit n'échappe à son savoir. Qala ta'ala. Et ensuite il a cité le verset qui dit Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'un. À chaque fois que trois personnes discutent, Allah est le quatrième. Et quand cinq personnes discutent, Allah est le sixième. Donc l'imam Malik, en fait, il vient de nous montrer comment je comprends ça. Est-ce que ça signifie qu'Allah est partout, dans le sens où, quand trois personnes discutent, il est le quatrième, il est avec eux vraiment? Non. Non, puisqu'il vient de nous dire, et fils sama. Donc ça veut dire quoi qu'il est avec eux? Ilmuhu fi kulli makan. Par son savoir. Donc par son savoir, tu peux dire Allah ma'ana. Allah est avec nous. Allah fi kulli makan. Yani bi'ilmihi. Par son savoir, oui. Bizatihi, lui-même, son être est partout. Non, ça c'est une parole qui est muhdatha, une parole qui est inventée dans l'islam. Les anciens, ils disaient fis sama, c'est-à-dire il est au-dessus. Que tu comprennes comment, que tu ne comprennes pas comment, ça il faut savoir s'y soumettre. Mais Allah, il est au-dessus. Qala Allah ta'ala, ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Al-istiwa'u minhu ghayru majhul. Wal-kayfu ghayru ma'qul. وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبْ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَ. En fait, subhanallah, toutes les paroles de l'imam Malik, c'est des règles d'or. Si on les apprend par cœur, en fait, on apprend la croyance de Al-Sunnah. Et souvent dans les livres, quand les savants dissertent sur les paroles à dire dans l'Aqida, ils ramènent toujours les paroles de l'imam Malik. Parce que l'imam Malik, il a des paroles courtes comme ça, et décisives, qui sont comme des règles. Donc là, par exemple, il a dit, Allah a dit dans le Coran, Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. Ar-Rahman, le miséricordieux, istawa, ça veut dire s'est élevé sur le trône. Donc avant qu'on passe à ce qu'a dit l'imam Malik, déjà pour qu'on traduise bien le verset. Istawa, quand on lit le tafsir de l'imam al-Tabari, il ne faut pas croire que le mot istawa, on ne savait pas ce que ça veut dire et personne n'a dit ce que ça veut dire. Le mot istawa, quand il est suivi de ala, on sait ce que ça veut dire en arabe. Et les tabi'in l'ont tous expliqué de la même façon. Et ils l'ont expliqué par quatre mots différents, mais quatre synonymes. Certains d'entre eux, ça c'est dans le tafsir de l'imam Tabari. C'est-à-dire l'imam Tabari, il a rapporté ce que disaient les tabi'in sur le verbe istawa. Ar-Rahman ou al-Arsh istawa. Donc certains ont dit ala. D'autres ont dit irtasa'a. D'autres ont dit sa'ada. Et d'autres ont dit istaqarra. Est-ce qu'il y a une différence entre les quatre? C'est la même chose. C'est comme si en français je te dis istawa, ça veut dire s'élever, être au-dessus d'eux, s'établir sur. Il y a une différence? Il n'y a pas de différence. En fait, chacun il a employé un verbe différent, mais pour exprimer, pour qu'on comprenne ce que veut dire istawa. Donc en fait, ils ont tous expliqué istawa à la large par le fait qu'il s'est élevé sur le trône, établi sur le trône. Donc l'imam Malik, il nous a expliqué comment on comprend ce genre de verset. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que ça, par contre, c'est quelque chose qui nous concerne. Ça, tu vas entendre dans un cours, tu vas lire dans un livre que Allah, il est partout, qu'il ne faut pas comprendre comme ça qu'il est sur son trône, etc. Et là, ça devient dangereux. L'imam Malik, il nous montre comment tu crois en ce verset. Regardez la règle. Il a dit quatre choses. Il a dit « Al-istiwa ou minhu » Al-istiwa. Al-istiwa, c'est-à-dire le fait de istawa. Minhu, c'est-à-dire de qui? Min Allah. Al-istiwa, quand on parle d'Allah, ghayru majhoul. Yani ma'loum. C'est pas, on ne l'ignore pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est pas un mot qu'on ignore. Quand on parle d'Allah, le mot istawa ala l'arche, on n'ignore pas ce mot. On sait ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est de l'arabe. Istawa ala. C'est pour ça que les tabi'in disaient ça veut dire ala, irtafa'a, etc. Donc, premièrement, on ne dit pas que c'est majhoul. Tu ne dis pas, non, le mot, en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire. Non, on sait ce que ça veut dire. Le Coran, il a été révélé en arabe. Ce n'est pas une langue extraterrestre. C'est une langue. Allah l'a descendu dans une langue arabe, claire. Ça veut dire qu'on en comprend tous les mots. Donc, on ne dit pas, on ne le comprend pas. On dit on le comprend, on sait ce que ça veut dire. Mais, deuxième règle, wal kaifu ghayru ma'qul. Mais le comment, il n'est pas ma'qul. Ma'qul, c'est-à-dire al-aql la yudrikuhu. L'esprit humain, il ne peut pas l'atteindre. Atteindre quoi? Le sens ou le comment? Non, le comment. Le comment, pas le sens. Le sens, on le connaît. Maintenant, donc le sens, on le connaît, on doit y croire. Allah s'est élevé sur son trône. Maintenant, comment? Comment? On ne pose pas la question. Tu ne peux pas le savoir. L'esprit humain, il ne peut pas savoir comment, ni s'imaginer comment Allah s'est établi sur son trône. Et ici, on peut même détailler, pour une simple raison. C'est qu'Allah, il n'y a rien qui lui ressemble. Et Allah ne ressemble à rien de ses créatures. Or, quand tu t'imagines, en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire? Si je te dis, je suis parti en Australie, et là-bas j'ai vu un animal que tu n'as jamais vu. Et il est comme ceci, comme cela, de telle couleur, etc. Donc tu vas te l'imaginer. Pour te l'imaginer, en fait, tu te bases sur quoi? Sur ce que tu connais. Donc tu vas faire des comparaisons. Ton cerveau, il va prendre un peu chez tel animal, tel animal, tel animal, et il va se faire une image. Donc si on parle d'Allah, ton cerveau, il ne peut pas faire ça, puisqu'il n'y a rien qui ressemble à Allah. Il n'y a pas de point de départ sur lequel tu peux baser une image. Donc, Allah a coupé cette porte. Il a fermé cette porte. On ne peut pas s'imaginer Allah et l'esprit humain ne peut pas atteindre cette chose-là. C'est-à-dire Kaïfa. Mais est-ce que, parce que je ne peux pas savoir comment, alors je renie ce que ça veut dire? Elle est là l'erreur. C'est pas parce que je ne peux pas savoir comment que c'est faux. Je ne peux pas savoir comment, mais je sais qu'il s'est établi sur son trône. Donc regardez les règles dans l'ordre. On ne l'ignore pas, c'est-à-dire on connaît le sens, Par contre, on ne peut pas savoir comment, on ne peut pas se l'imaginer. Wal iman bihi wajib. Y croire, c'est obligatoire. C'est-à-dire, tu n'as pas le choix de dire, bon, moi, je ne peux pas y croire, je ne peux pas m'imaginer. Ou bien, ouais, on sait ce que ça veut dire, mais bon, ça ne rentre pas dans ma tête. Non. Tu es obligé d'y croire. Wassu'alu anhu bid'atun. Et interroger à ce sujet, c'est-à-dire en disant, kaifa, puisque, en fait, il a dit ça quand quelqu'un lui a dit, au Malik, kaifa stawa, comment Allah s'est établi sur son trône. Et il lui a répondu cette règle. Et la quatrième, donc, c'est wassu'alu anhu bid'a. C'est-à-dire demander comment il s'est établi sur son trône, c'est une innovation religieuse, c'est une hérésie. Et bien cette règle, ces quatre phrases, tu peux les appliquer à tous les attributs d'Allah. Tout ce qui parle d'Allah dans le Coran, tu peux en connaître le sens. Pour cela, il suffit de revenir au livre de tafsir comme l'imam Tabari, etc. Ou à la langue arabe. Par contre, et tu dois y croire. Par contre, tu ne dois pas te l'imaginer. Tu ne dois pas t'imaginer Allah. Et tu ne dois pas même demander ou débattre sur comment commencer au sujet d'Allah et comment être Allah, etc. On continuera la fois prochaine. Inch'Allah ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqwa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa shukrika. وحسن عبادتك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين